crever. Ma tronche me donne envie de gerber. Déjà tout petit, j'étais pas beau. En plus de ça, je suis barjo. Dans mon cerveau, c'est le bordel. Une chaîne retrouverait pas ses petits. J'ai jamais fait dans la dentelle. Je pète les plombs même dans mon lit. Un peu d'esprit, j'habite une piole carrément grise. J'ai pas de haine, j'ai pas de soucis. Je suis tout seul, je pique ma crise. Je couche mes larmes sur le plancher. Ma putain de vie ne vaut pas cher. Je tranche les veines de mon poignet. Je perds mon sang, putain de galère. Médecin venu de l'autre monde, et tout va bien, tout est normal. Je lui souris, le tonnerre gronde. 3 semaines plus tard, je suis guéri. Une fille me dit, toi t'es pas moche. Je lui réponds, toi t'es jolie. Elle c'est Julie, moi c'est Gavroche. On a repeint nos vies en rose. Que du bonheur, fini la trique. On est heureux, c'est l'overdose. Je suis plus seul, c'est fantastique. On a repeint nos vies en rose. Que du bonheur, fini la trique. On est heureux, c'est l'overdose.